tama mololo mololo. Satana ne kulusu yolonga masumu Yesu na Golgota ya yolonga liwa ee mabele sanza kio yosilisa kindoki ya labi nanga ee Yesu yoko isa Goliath ya libota nanga ee yozidisa falo yekolo nanga oh na komo na Yesu na komelo te ee Bando ki ba koma kolega, na kombo na Yesu e, ilimo mabe ki makala zoto, na kombo na Yesu, elopera nganga. Merci, Pasteur Joseph. Merci. Mushindi, tu es Washindi. Mushindi, Yesu. Mushindi, tu es Washindi. Yesu, Masia. Katika shida za maisha yangu. Yesu, ni Mushindi. Tu es Washindi. Yesu, Masia. Pale musalabani, Yesu. Alisema yamekwisha. Tu es Washindi. Yesu, Masia. Pale musalabani Yesu alisema yamekwisha tu ya washindi Yesu Masia Molongi likolo ya balongi Molongi Yesu Molongi likolo ya balongi Yesu Masia Na bitu mbali bota na ngai Yesu de Molongi, Nicolas Malongi, Yesu Masia. Nakinoki, Anibata Nangayo, Yesu de Molongi, Nicolas Malongi, Yesu Masia. Le canon au-dessus de tous les noms de Jésus-Christ. Le canon au-dessus de tous les noms de Jésus-Christ. Le nom qui guérit le malade, ressuscite les morts. Le canon au-dessus de tous les noms de Jésus-Christ. Le nom qui guérit le malade, ressuscite les morts. Le canon au-dessus de tous les noms de Jésus-Christ. Le canon, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Allez, balancez, balancez, balancez, balancez. Le grand nom au-dessus de tous les noms de Jésus-Christ. Le grand nom au-dessus de tous les noms de Jésus-Christ. Car je suis malade, je l'invoque, il est ma guérison. Le grand nom au-dessus de tous les noms de Jésus-Christ. Dans les combats de ma vie, Jésus-Christ, il est ma vie, au-dessus de tous les noms, les noms de Jésus-Christ. Le grand nom, au-dessus de tous les noms, les noms de Jésus-Christ. Le grand nom, Jésus. Le grand nom, au-dessus de tous les noms de Jésus-Christ. Le nom qui guérit les malades, ressuscite les morts. Le grand nom, au-dessus de tous les noms de Jésus-Christ. Molongi likole ya balongi nyonso, Molongi Yesu. Molongi likole ya balongi Yesu Masia. Molongi likole ya balongi, Molongi Yesu. Molongi likole ya balongi Yesu Masia. Na kindo ki alibota na ngai, Yesu nde Molongi. Molongi likole ya balongi Yesu Masia. Acha soki okufela baboti, Yesu nde Molongi. Molongi. Yesu Christ a mis la molili, fue de gana como a pole. Yesu Masia. Yesu Christ a mis la masumue, fue de gana feto. Yesu Masia. Oh, Yesu Nanga mis la lisumue, fue de gana como a feto. Yesu Masia. Nekulu soa mis la kutu pauvre, bon gana como a riche. Yesu Masia. Misa la moto bamba, bongana sua valeur. Yesu Masia. Allez balancer, balancer. Ozo beta mololo, mololo, mololo. Au-dessus de tous les noms de Jésus-Christ. Le grand nom, au-dessus de tous les noms de Jésus-Christ. Dans les combats de ta vie, Jésus-Christ, il est ta vie, corps. Le grand nom, au-dessus de tous les noms de Jésus-Christ. Et David est nassi ma copain, sa Goliath, à l'attaquer, Sengo. Aloba qui n'a la copine, la Zamboyaga. Côté le mieux. Et l'ombé, yes, et l'ombé. Oh, y'a Jésus. Et l'ombé. Yes, a salinga elombe. Elombe, yes, elombe. Saki na leki ba moni moto. Elombe, yes, elombe. Presence bamba ba komo kweya. Elombe, yes, elombe. Eh, a Jesus. Elombe, yes, elombe. Yes, a salinga ifeke. Elombe, yes, elombe. Saki na leki ba moni moto. Elombe, yes, elombe. Eh, ay, ay, ay. Elombe, yes, elombe. Allez, donc. Hey, a Jesus. Yes, a Zaninga is the king. Yes, a Zaninga is the king. Hey, Lobo Kotobi. Elombe, yes, elombe, eh, a Jésus. Elombe, sozo banga nini e elombe ozanga yeso sozo le kanini e elombe ozanga yeso sozo le kanini e elombe Si mango na butu na lota kindoto ya mabe Whiske yo moko ozo benga bandoto ya mabe Alo naliki to yemba na ilombe moko To yemba na yo Oh ya Jezi Elombe, yes elombe Yes azalinga elombe Elombe, yes elombe Bozo sale logote Elogote Elogote It's okay Elombe, yes, Azaniga Elombe, Elombe,